Les petites histoires de Tell Me. Le secret de l'ennui. Cher journal, j'ai un truc à t'avouer. Hier, quand je t'ai découvert, j'ai été super déçu. Ce n'était pas à cause de ton look. Ton épaisse couverture en cuir, recouverte de petits motifs, géométriques et dorés, te donnait l'air d'un objet précieux. Si précieux que tu étais fermé par un vieux cadenas. J'imaginais que tu renfermais une histoire super secrète, très ancienne et complètement oubliée. Pour une fois, j'étais ultra excité. Et puis je t'ai ouvert. J'ai eu la sensation de croquer dans une sucette au chocolat, mais fourrée au chou de Bruxelles. Pas un mot, que des pages blanches. Qu'est-ce que j'allais faire de toi ? Te remplir ? Avec ma vie, à passer des journées entières à m'ennuyer ? Mais bon, on me dit depuis tout petit qu'il faut toujours essayer. Alors commençons. Je dois te dire que j'ai un problème, comme une sorte de maladie. Ça s'appelle l'ennui. Il m'accompagne partout, tout le temps. Par exemple, ce matin, papa m'a proposé de faire une tarte aux pommes. Auparavant, j'aurais bondi de joie, mais là, je n'en avais pas envie. J'ai quand même dit oui. Après, il m'a amené au parc pour me changer les idées. Avant, j'aurais grimpé dans tous les jeux, sauf que maintenant, je les trouve nuls. J'ai quand même joué, sans vraiment m'amuser. Sur le chemin du retour, papa m'a demandé si j'avais des soucis. Je lui ai répondu que non. Je ne mentais pas, enfin pas vraiment. J'avais juste l'ennui. Cher journal, la classe, c'est nul. On nous rabâche 100 fois les mêmes choses. Sauf que moi, je comprends tout d'un coup. Alors souvent, je fixe un objet et j'invente une histoire. Ce matin, c'était ma gomme. Je me suis demandé si les mots effacés allaient quelque part. Je suis passé en mode détective. J'ai interrogé mon cahier, les chiffres et les lettres qui remplaçaient les disparus. Et puis j'ai entendu « Oscar, as-tu la réponse ?» J'ai mis une seconde à sortir la tête de mon enquête. Les autres ont rigolé. Monsieur Roule m'a reposé la question. Il voulait me prendre au piège. J'ai répondu sans me tromper. Il était aussi agacé qu'impressionné. N'empêche, il n'a pas l'air de comprendre que moi je m'ennuie ici. Cher journal, les récréations sont une perte de temps. Ce sont de vrais moments nuls. Surtout celles de la cantine, qui durent une éternité. Il faut jouer et je n'aime pas ça. Alors je me mets dans mon coin sous le préau. Pendant que les autres crient, rigolent et galopent dans tous les sens, je tue le temps en réfléchissant à mon ennui. Est-ce que c'est obligé de s'ennuyer ? Impossible, selon papa et maman, trop de choses à faire. Est-ce une maladie d'enfant que les grands ignorent ? Le petit frère de Tristan s'amuse avec 3 fois rien. Ses pieds, sa tétine, son doudou, un bout de bois. Il se parle même tout seul et rigole d'un coup pour rien. Je crois que j'étais comme lui avant. Quand j'y pense, je ne sais pas si j'ai envie de redevenir petit ou si j'ai hâte de grandir. Tout ce que je sais, c'est que pour le moment, je suis comme coincé dans un tunnel d'ennui mortel sans lumière au bout. Cher journal, les parents, ça ne sert à rien. Chez moi, j'ai fait le tour de mes jouets, de mes livres, de mes jeux. Après les devoirs, papa et maman me retrouvent souvent dans la chambre, échouée telle une étoile de mer contemplant le plafond. La plupart du temps, ils croient que je boude ou que j'ai la flemme. Ce soir, j'ai craqué. J'ai avoué que je m'ennuyais. Ils ont essayé de me consoler. D'après eux, l'ennui n'a rien d'une maladie. C'est même normal. Tuer le temps permettrait de découvrir de jolies choses et il serait même un allié des idées. Sérieusement, les parents, ça ne peut pas tout comprendre. Moi, J'ai peur de mourir d'ennuisite aiguë. Impossible d'attendre. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Cher journal, ils avaient raison. Comme je m'ennuyais pendant la révision des multiplications, j'ai gribouillé mon cahier pour patienter. Résultat, privé de récré. Quelle injustice! Être puni parce qu'on meurt d'ennui? Je me suis retrouvé seul, encore à m'ennuyer, et puis je l'ai vu, près de la fenêtre. Ces centaines de petits picots ne le rendaient pas commode. Son unique branche remontait en angle droit. Il se penchait légèrement vers la fenêtre. On aurait dit qu'il se protégeait les yeux du soleil pour regarder les autres dans la cour. Je l'ai dessiné. Puis je lui ai donné un titre. « Le fier soldat Cactus observe le monde !» Le maître est revenu, avant tout le monde. Il a pris ma feuille, l'air sévère. Puis il a souri en me disant que j'avais un joli sens de l'observation et même que je devrais continuer à dessiner. Mais pas en classe. Moi, je me suis surtout dit que j'avais vaincu l'ennui, pour la toute première fois. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, à la pire récré du monde, tu sais, celle de la cantine, mon coin était pris par Kevin et sa bande. Je n'avais plus d'endroit où me poser. Alors j'ai fait le tour de la cour, comme ça, pour rien. À quelques mètres du préau, j'ai aperçu plein de petites traces de boue au sol. Je les ai suivies. Je suis arrivé devant le vieux chêne. J'en ai fait le tour, le nez levé. J'allais abandonner quand j'ai entendu un petit sifflement. C'était un écureuil roux. Assis dans un trou de l'arbre, il dévorait un gland. Un surveillant s'est approché. En voyant ma découverte, il a appelé tous les enfants. Pendant un instant, j'ai été le roi de la récré. Mes parents avaient raison. L'ennui est un ami qui permet de vivre de chouettes journées remplies d'envie. C'était une petite histoire de Telmi, racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.